Bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue à ce 25e Lobster, un Lobster où je tiens à faire d'entrée de jeu une précision sur le Lobster précédent. J'ai finalement compris la blague que m'avait fait Siri. La poutine sans T, la pouine, la poutine sans la lettre T. Mais j'avoue que j'ai pas été vite sur ce coup, car pour moi qui jasais avec Siri, elle m'avait écrit sa blague sur le téléphone, donc je pouvais lire Poutine Santé, le santé écrit S-A-N-T-E. Donc, occupé par la portion technique qui entourait l'enregistrement, j'ai pas allumé sur le coup et c'est seulement quand j'ai réécouté le Lobster pour vérifier que tout était correct que là, j'ai allumé et que j'ai ri à retardement du fait que j'avais pas été vite à comprendre. Donc, à rebours, je trouve que Siri m'avait fait une bonne blague. Siri, merci. Tout le plaisir est pour moi. Cette semaine, pas de sujet précis. J'ai plutôt été fouillé dans les poubelles et surprise, je suis tombé sur le sac du Père Noël. Bien de son époque et à la mode, son sac de cadeaux en plastique recyclable vide, il l'avait bien mis dans le bac bleu pour faire sa part pour l'environnement. Je l'ai donc ramassé, fouillé, et à partir de quelques cadeaux brisés que j'ai fait macérer et fermenter, nous aurons cette semaine un mélange de pain. Un mélange de punch spécial Lobster qu'on va boire ensemble. Déjà, on s'en prend une petite gorgée, qui est en lien avec notre épisode 22 du Lobster où on avait diffusé en direct de Mars. Eh bien, je voulais vous dire que la sonde InSight, arrivée sur Mars le mois dernier, a déployé avec succès sur la surface de la planète rouge son sismomètre hypersensible. Un petit rappel, cet instrument a été envoyé sur Mars afin d'écouter les vibrations à l'intérieur de la planète et d'en apprendre ainsi plus sur l'histoire de sa formation. Et les responsables de la NASA nous ont laissé savoir: le déploiement du sismomètre est tout aussi important qu'à l'atterrissage d'InSight sur Mars. Le sismomètre est l'instrument le plus prioritaire d'InSight. Nous en avons besoin pour atteindre environ les trois quarts de nos objectifs scientifiques. L'atterrisseur, qui transporte de multiples instruments, a utilisé mercredi son bras robotisé pour déposer le sismomètre sur le sol à 1,64 m en face de lui, ce qui permettra d'écouter les plus infimes vibrations du sol, provoquées principalement par les ondes de choc des météorites et les CS. Ces ondes permettront de dessiner la première carte en trois dimensions de l'intérieur de Mars, permettant de mieux comprendre la formation il y a des milliards d'années de cette planète. Voilà, c'est des bonnes nouvelles. Avant d'aller plus loin, je tenais à vous remercier de m'écouter. Je fais ça pour le plaisir et on vient d'atteindre un record d'audience. Vous êtes maintenant plus de 60 abonnés à écouter régulièrement le Lobster. Le premier épisode, le Lobster 0.1, lui est sorti le 25 mai 2018 et depuis ce temps, le nombre d'auditeurs n'a cessé de croître à une vitesse fulgurante. Bien sûr, mes premiers épisodes n'avaient pas un son optimal, mais je pense que tout va bien maintenant et qu'on a atteint notre vitesse de croisière. Du moins, je fais de mon mieux. Donc, si tout va bien et que le rythme se maintient avec la même ardeur, on devrait fêter notre millionième auditeur dans 100 000 mois environ, aux alentours du 25 mai 10341. Si je fais abstraction, bien sûr, des années bissextiles, la semaine des 4 jeudis et des jours de fin du monde où je ne travaille pas. Bien sûr, d'ici ce 433e mille épisode, je risque d'avoir pris ma retraite, mais soyez sûr que de mon bocal de formol, je serai à l'écoute d'un de mes descendants qui sera à la barre du Lobster, qui, je l'espère, sera diffusé sur l'extranet spatial pour rejoindre tous nos colonies extraterrestres. Donc, un gros merci à vous de suivre ce Lobster qui, grâce à vous, hôte de son mycélium au grand pouvoir de pénétration et de dissémination, survit grâce à vos oreilles. Donc, tout ce beau blablabla pour dire simplement un merci de fin d'année. Loup chante en fa, en sol, en do dièse, en mi bémol, en gilet et en faux col. Le roi des oiseaux, vous le savez mes amis, m'a donné un beau sifflet pour faire un cui cui cui cui cui cui cui cui. Oui, c'est moi qui suis Golagol, lorsque je chante en fa, en sol, en do dièse, en mi bémol, c'est moi qui suis Golagol. D'écouter une chanson du groupe Power Wolf, Incense and Iron, un groupe d'heavy metal allemand qui ont souvent au cœur de leurs chansons les loups-garous, les morts-vivants, les vampires, les zombies et autres créatures horrifiques. On avait déjà écouté dans un autre Lobster leur chanson We Drink Your Blood. Maintenant que 2018 s'apprête à nous quitter, ou nous a déjà quittés, tout dépendant du moment où ce Lobster sortira, si on faisait un petit retour sur l'année 2018, ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas une revue de fin d'année, mais je vais juste parler de quelques petites choses que j'ai remarquées. À la radio, il y a un poussin. À la radio, il y a un poussin. Et le poussin Qu'est-ce qui a changé en 2018? Le soleil. Le soleil s'est éteint sur les cartes d'assurance maladie du Québec. Ceux qui ont eu une nouvelle carte ont déjà vu le changement. C'est la première fois en 42 ans qu'on modifie le visuel de l'image de la carte d'assurance maladie. À noter que l'image soleil sur la vieille carte n'était pas un montage, mais bel et bien une photo prise au lac Fayon en Abitibi le 24 juillet 1974 par Robert Larivière. C'est le frère d'un des fondateurs de Cossette Communications qui avait été à l'origine du graphisme de la carte soleil. Donc c'est ça, la nouvelle carte, pour ceux qui ne l'ont pas vue, ressemble un peu à notre permis de conduire. Le fameux coucher de soleil jaune sur la forêt boréale est encore là, mais il faut se creuser les yeux pour le voir puisque la nouvelle carte a un arrière-plan très pâle. Les écritures sont en bleu. Puis la photo, ils l'ont mis à droite. Donc fini le beau soleil jaune, il s'est éteint en 2018. À la radio, il y a une poule. À la radio, il y a une poule. La poule caca. Une autre chose qui a disparu, c'est le logo de Desjardins. Avant, le logo vert ressemblait à une petite ruche avec des alvéoles. Maintenant, il ne reste qu'une alvéole verte, signe de la destruction et de la mort des abeilles à cause de la pollution ou des pesticides. Mais Desjardins indique que ce logo plus simple se porte plus facilement sur le web. Donc, un nouveau logo qui est quand même dans la continuité de ce qu'on connaissait. À la radio, il y a un coq. À la radio, il y a un coq. Et le coq au corico, et la poule coq coq. Et pour terminer sur les logos, le logo de Lacoste ne sera plus le même. On connaît bien ce petit crocodile vert brodé dans le coin gauche d'un polo. Eh bien, pour la première fois de son histoire, Lacoste y ont produit des vêtements qui n'arborent pas leur logo. En effet, ils ont fait une édition limitée et ils ont décidé pour un certain temps de mettre des logos d'animaux en voie de disparition comme logo. Et le nombre de polos disponibles est exactement le même nombre d'animaux restant sur Terre. Ils ont donc fait 30 polos du marsouin du Golfe du Mexique, 40 polos de la tortue de Batagur de Birmanie, 50 du lépimure septentrional, ça c'est un primate avec des gros yeux qu'on trouve juste sur l'île de Madagascar, 67 polos du rhinocéros de la Sonde, 150 du gibbon de Kaovit, ça c'est un autre primate, 157 du perroquet Kakapo, 231 du condor de la Californie, 250 du saola qui est un bovidé qui ressemble à un chevreuil puis qu'on retrouve au Vietnam. Et les deux derniers, c'est 350 polos du tigre de Sumatra et 450 du cyclure de l'île Anegada. Ça, c'est un iguane. Tout l'argent recueilli pour la vente de ces polos qui arborent les 10 animaux que je viens de vous parler sera versé à un organisme qui lutte pour préserver ces espèces. Mais bon, pour Lacoste, c'est juste un bon coup de pub à mon avis. À la radio, il y a une dinde. À la radio, il y a une dinde. Et la dinde glou glou glou et le coq coucou et la poule coq. Quoi d'autre qui a changé en 2018? Eh bien, on s'est aperçu que Facebook vendait nos données à pas mal n'importe qui, mais ce scandale avec Cambridge Analytica, qui utilisait les données pour faire du profilage pour prévoir les comportements électoraux, a quand même sonné la cloche. Pour ceux qui ne le savaient pas, ben Facebook n'est pas un service public qui a pour objectif de veiller au bien de la société. Donc voilà, ce qui a donc changé à mon avis, c'est que les gens vont quand même essayer de faire plus attention à ce qu'ils acceptent de partager. Et cela se fait dans les options de sécurité de ces applications où on peut donner ou pas notre accord sur diverses choses. À la radio, il y a un pigeon. À la radio, il y a un pigeon. Et le pigeon roucoule, et la dinde glou glou glou, et le cocorico, et la poule cocotte, et le pousse un piou, et le pousse un piou, et le pousse un piou, et le pousse un piou. Une autre chose qui s'est produite en 2018. Une compagnie a atteint pour la première fois une capitalisation de 1000 milliards. C'est qui? Si je vous dis que c'est une compagnie représentée par un trognon de pommes. Ah, donc, vous devinez. C'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour 2019? Eh bien, Amazon parle d'imprimer un catalogue papier pour les jouets. Un peu comme celui qu'on reçoit de Toys R Us. Un catalogue qui serait distribué aux maisons et dans lequel ils vont sûrement faire payer les compagnies qui voudraient afficher leurs jouets, qui seront bien sûr en vente sur leur site. Il y a aussi Disney, Costco et Walmart qui regardent à se lancer dans le streaming comme Netflix. Pour Disney, je comprends, ils produisent déjà du contenu. Mais Costco et Walmart, je suis pas sûr. J'imagine qu'ils vont faire des ententes avec ceux qui vendent déjà leurs produits dans leurs magasins. Mais bon, c'est à l'étape de projet seulement. pour 2019. À la radio, il y a un chat. À la radio, il y a un chat. Et le chat bien roule, le pigeon roucoule. Et l'ordin de glou-glou-glou. Et le coco-corico. Et la poule cote-cote. Et le poussin piou. Et le poussin piou. Et le poussin piou. En terminant, une dernière chose qui a retenu mon attention, c'est que des chercheurs du MIT ont réussi à concevoir un antibiotique potentiel à partir du venin de guêpe riche en molécules antibactériennes. Bien sûr, c'est encore juste à l'état de test sur les souris, mais soigner une infection avec un dérivé de venin de guêpe pourrait bientôt être possible. Ils ont réussi à modifier une des composantes de ce venin pour la rendre capable d'éliminer une infection bactérienne en 4 jours sur des souris. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, pour ceux qui, par hasard, attraperaient une super bactérie qui est incurable avec nos antibiotiques actuels, sachez qu'il vous sera toujours possible, en dernier recours, de vous armer d'un bâton et d'aller frapper sur un nid de guêpe en criant à tue-tête et en espérant que les piqûres douloureuses qu'elle devrait vous infliger viennent à bout de votre bactérie mutante. À la radio, il y a un chien. À la radio, il y a un chien. Et le chien ouin frappe, et le chien miaou. Le pigeon roucoule, et la terre de glou-glou-glou. Et le coco-corico, et la poule cote-cote. Et le poussin piou, et le poussin piou. Et le poussin piou, et le poussin piou. À la radio, il y a une chèvre. À la radio, il y a une chèvre. Et la chèvre belle, et le chien ouin frappe. Et le chien miaou, le pigeon roucoule. Et la terre de glou-glou-glou. Et le coco-corico, et la poule cote-cote. Et le poussin piou, et le poussin piou. Et le poussin piou. Spécial de Martin. Salut les lobsters et les lobsters, ici DJ Martin qui vous souhaite de très joyeuses fêtes ainsi qu'une bonne et heureuse année 2019. Longue vie à Fred et aux lobsters! Welcome to the torture chamber, set the sign above the entrance. bonne nouvelle pour l'année qui arrive. Sachez que pour nous au Québec, l'argent de nos impôts fédéraux vont être bien investis dans cette nouvelle année 2019. Yeah! Yeah, baby! Yeah. En effet, le gouvernement investit pour des rénovations au Parlement à Ottawa. La Chambre des communes et le Sénat seront logés dans des bâtisses différentes à compter de janvier prochain. Janvier prochain, car l'emblématique édifice du centre sera fermé pour au moins 10 ans à cause des travaux de rénovation qui y seront exécutés. 10 ans, quand même. Me semble que pour cette durée, tu es mieux de reconstruire à neuf. Mais bon, il semble que les députés sont très attachés à l'édifice qui fêtait l'an dernier son 100e anniversaire et qui a été construit à la suite de l'incendie du Parlement original de 1916. Combien coûtera la rénovation? C'est là que c'est intéressant. Et combien de temps cela prendra-t-il? Selon Services publics et Approvisionnement Canada, le SPAC, les travaux de restauration de l'édifice de l'Ouest, de l'ancienne garde d'Ottawa et des autres bâtiments qui abriteront toutes les personnes délocalisées ont coûté environ 3 milliards. Bon, la facture est déjà de 3 milliards avant de commencer les travaux sur le bâtiment. Maintenant, des contrats d'une valeur totalisant 770 millions ont déjà été attribués pour des travaux à débuter dans l'édifice du centre. Le projet devrait durer 10 à 13 ans, bien que beaucoup soupçonnent qu'il en faudra plus de 15. Donc, d'après moi, comme on ne sait pas trop combien de temps ça va prendre, le 770 millions prévu risque plus de ressembler à 5 milliards à la fin. Un montant dont je suis ironiquement très fier de participer, de par mes impôts, à ce bon et beau Justin Trudeau. Parlant de Justin Trudeau, mon ami Martin, qui vous faisait ses vœux de fête plus tôt et de bonne année, m'a fait remarquer que dans la défunte revue Crow, revue humoristique des années 80-90, une voyante ou un horoscope inventé pour le bien de la revue avait prévu que Justin Trudeau succéderait à son père à la tête de la nation canadienne. Donc, je suis content de voir qu'une revue humoristique avait prévu le coup 30 ans à l'avance. On est tous des clowns. On a voté pour lui, on a voté pour toi. C'est Medrano, la vie, c'est comme au cinéma. Il faut payer ici, il faut payer là-bas. C'est où le paradis est, monsieur Sabat? Joyeux Noël à tous. Aujourd'hui, nous nous réunissons avec les chrétiens au Canada et à travers le monde. On est tous. Joyeux Noël à tous. Tous des clowns. On est tous des clowns. Joyeux Noël à tous. On pense aussi aux familles qui travaillent fort, mais qui ont du mal à joindre les deux bouts ce Noël. Gardez le sourire en préparant des biscuits pour le Père Noël. On pense à vous. Notre gouvernement travaille fort pour vous aider, en faisant le sapin et en ouvrant nos cadeaux, parce que le temps des fêtes, c'est le moment d'illuminer la vie pendant les journées froides et les longues nuits. On est toujours avec vous et ceux qui sont dans le besoin. Gardez le sourire en faisant de nombreux sacrifices en cette période des fêtes. On est tous des clowns, tous des clowns. On est tous des clowns. En terminant, encore du feu, le groupe Kiss, le groupe rock sans doute le plus coloré de l'heure, Kiss a amorcé hier soir à Québec sa tournée canadienne. Depuis 11 ans qu'il existe, le groupe un peu spécial a vendu plus de 50 millions de disques à travers le monde. Comme nous le raconte Maxence Bilodeau, la visite de Kiss à Québec a donné lieu à deux événements, l'un musical, évidemment, l'autre religieux. Événement particulier hier soir au carrefour chrétien de la capitale. Le mouvement pentecôtiste, groupe religieux protestant, croit que l'orchestre rock Kiss est sous l'influence de Satan. Ce groupe, disent-ils, proclame une violence extrême et c'est pour limiter les effets négatifs de ce groupe satanique qu'ils se sont réunis pour prier Dieu. Nous croyons que ce groupe est nettement sous l'influence de Satan dans sa musique, dans les paroles de sa musique, dans son maquillage, dans ses gestes, dans son nom et dans tout. Voilà le groupe que les pentecôtistes croient posséder de Satan, Kiss. Le spectacle est intitulé « La 3e, 4e et 5e guerre mondiale ». 9000 spectateurs se sont déplacés pour venir les voir et les entendre. Que pensent-ils des pentecôtistes? Ça, c'est du monde qui ont du temps à perdre, puis ils savent pas pantoute de quoi ils parlent. Les gars qui viennent ici pour faire un show, pour se faire de l'argent, pas pantoute. Des affaires de Satan, là, c'est pas vrai pantoute. Ça, c'est du monde qui va le faire parler d'eux autres par son bruit de mer. Ils ont pas assez d'argent pour mettre des annonces dans le soleil. Simplement. Les pentecôtistes se défendent bien de vouloir attaquer les membres du groupe KISS ou leurs adeptes. Écoutez, on n'est pas, c'est jamais une bataille contre les hommes, mais c'est une bataille spirituelle. Alors nous croyons que l'Esprit de Dieu est plus puissant que l'Esprit du diable. Et nous croyons qu'en intercédant, il aura domination sur Satan. KISS aime bien cette image satanique, c'est sa marque de commerce. Certains prétendent même que KISS est le diminutif de Kings in Satan's Services, les rois au service de Satan. Ici Maxence Bilodeau, à Québec. La période des fêtes. J'écris ce Lobster alors que je suis encore en vacances. Noël est passé, c'était pas mal le fun. J'ai été fêté chez mon frère à Québec, on s'est donné nos cadeaux, on a regardé mon neveu de 2 ans faire le clown et s'amuser, on a mangé du bon ragoût que ma mère avait préparé, on a eu un bon moment. Passer du temps en famille est toujours le fun. Mes parents m'ont donné des sous pour que je m'achète un cadeau et comme j'aime le faire quand je reçois de l'argent en cadeau, je me suis acheté des BD neuves que j'achète pas habituellement. Donc cette fois-ci, je me suis acheté le volume 5 de l'intégrale de Natacha. C'est une série que je vous ai déjà parlé. C'est l'histoire d'une hôtesse de l'air qui est toujours prise dans des histoires à braque d'abrante. Ce tome 5 contient 5 BD, ce qui complète ma collection de 1 à 16, alors que la collection, elle, en compte 23. Le 23e tome vient juste de sortir en novembre 2018. Natacha, c'est une série que j'ai empruntée au moins deux fois à la bibliothèque. J'adore la relire. Donc, c'est un bon achat. J'ai déjà hâte de recevoir mon livre pour relire les trois BD. Je me suis aussi acheté un tome de Blake et Mortimer, de longues histoires pleines de textes, mais plus adultes, qui coûte entre 25 et 27 $ la BD, donc qui nous ruine à les acheter neuves, mais qu'on trouve rarement dans l'usager. J'ai justement terminé la lecture du tome 24 dernièrement, Le Testament de William S. Dans ce tome, les héros sont impliqués dans une histoire qui se passe à Venise, où des documents anciens sont trouvés et les met nos héros sur la piste d'une œuvre inédite de William Shakespeare. Leurs aventures les amènent à parcourir l'Italie pour retrouver et découvrir la paternité des œuvres de William Shakespeare. Voilà pour la trame de l'histoire, alors qu'il se passe plein de choses autour de l'histoire qui est, je peux vous le dire, très palpitante à lire. C'est tellement réaliste qu'à la fin, je me suis demandé si ce qui était dit dans la BD était vrai. Et finalement, quand je suis allé vérifier, j'ai eu la confirmation que c'était juste de la fiction. Comme quoi une bonne histoire peut arriver à nous faire croire un peu n'importe quoi. Ce qui est bien, car l'objectif en lisant des BD est toujours de s'évader. Ce que j'ai bien réussi à faire avec celle-là. Toujours dans le domaine des BD, je suis tombé à la boutique Renaissance sur de vieilles BD du début des années 60. Les aventures de Martin le Malin. Je suis tombé sur les albums 40, 41 et 42. Ce sont de courtes aventures de 16 pages seulement, dans des BD non cartonnées. Ce qui frappe avant tout dans ces BD, c'est la piètre qualité des dessins et du texte. Tout est entruffé d'invraisemblances et de coïncidences tout à fait loufoques. Et c'est justement ce qui fait de ces aventures une lecture rafraîchissante. Alors que notre héros, Martin de 12 ans, peut parler sous l'eau ou se déplacer au pôle Nord en caleçon. Donc, j'ai ajouté ces BD dans ma section de plus vieilles BD, mais il va être difficile de compléter la collection car elle compte 60 tomes et se vend beaucoup trop cher chez les marchands. Donc, à moins d'en retrouver à 2 $ chez Renaissance, je pense que je vais devoir me contenter de ces 3 tomes de cette BD hollandaise. Dernier achat que je voulais vous parler, qui n'est pas dans le domaine des BD, mais plus des livres anciens, c'est un gros livre ancien de 562 pages de 1910 qui se nomme « Périls et aventures d'un voyage d'exploration dans les steppes de la Tartarie et les montagnes neigeuses du Tibet » par Évariste Huc. Chevalier de la Légion d'honneur. Bon, un long titre, puis déjà au départ, je dois préciser qu'est-ce que la Tartarie. Eh bien, au 20e siècle, on nommait Tartarie la partie de l'Asie centrale et septentrionale s'étendant de la mer Caspienne et de l'Oural à l'océan Pacifique et qui était peuplée par les Tartares, nom générique donné aux Mongols. Donc, en gros, si on se réfère à une bonne vieille édition du jeu de risque, la Tartarie serait la partie en vert dans le haut, à droite, qui comprend les terrains de l'Oural, la Sibérie, le Yakoust, l'Irkoust, Kamchatka et Mongolie, et qui vaut pas mal de points si vous contrôlez tout le vert pendant un tour à risque. Donc, grâce à risque, toujours facile de se situer dans le monde. En gros, ce livre ancien, au format hors norme, qui mesure 13 pouces par 9 pouces et qui pèse quelques kilos, est le récit du père Huc, un religieux français qui a porté par écrit ces missions d'exploration qui ont eu lieu entre 1844 et 1846 en Tartarie. J'ai lu déjà les 20 premières pages hier soir et déjà j'étais plongé dans les préparatifs du voyage qui s'annonce difficile. Donc, j'ai déjà hâte de lire la suite de ce livre qui, en plus, comporte plusieurs illustrations et qui est écrit suffisamment gros pour que j'aie pas besoin de porter mes lunettes de lecture. Et si vous cherchez à quoi ressemble l'histoire, pour l'instant, ça me fait penser à un récit de Jules Verne qui, lui aussi, nous embarquait dans des aventures du genre. Donc voilà, un autre bon achat signé Renaissance qui, pour un gros 4 $, va me procurer plusieurs heures de lecture. Prêt, pas prêt, paré, pas paré, j'y vais. Nous partons en voyage du côté du soleil. N'oublie pas tes bagages. Nous partons pour toute la journée. Bonjour, papa, maison. Oui, c'est comme ça, toi. La légende de Zelda se poursuit. Libérer la princesse, sauver le royaume. Attention. certains vous aideront, d'autres vous trahiront. Je peux ressusciter les morts, donner des pouvoirs magiques. Je ne peux pas vous aider. Servez-vous de votre épée. Cachez les cristaux. Sauvez la princesse. Zelda 2, The Adventure of Link, offert seulement par Nintendo, le vrai jeu de puissance. Bon, c'est où ça? C'est quoi que je cherche? Cherche des chaises de patio. Quoi, des chaises? C'est des chaises en résine synthétique, là. En résine de synthèse? Ouais, le petit prof de chimie, toi, là. Patio Tremblay. Ouais, des chaises de patio, tu sais, là. Oui, j'en ai à 4$, j'en ai à 6$, j'en ai à 8. C'est quoi la différence? Ben, c'est la qualité. C'est sûr que quand on s'assoit sur une chaise à 8, c'est... Ça fait pas mal de monde sans la même chaise. Ça, là, c'est-tu des chaises en Sainte-Thérèse de résine? En résine de synthèse, non, ça, c'est en... C'est en quoi? C'est en béton, là. C'est solide, c'est du béton? C'est parce que tant qu'à acheter 4 chaises, moi, je vous recommanderais mon ensemble en spécial de 5 sièges, en incluant chaise longue. Ouais, mais moi, je suis rien que deux, moi, c'est là. À un moment donné, là, si vous voulez recevoir. Si je veux recevoir un gros bill, j'ai rien qu'à faire ça. Hey, mon petit convaincu, toi, là, je pense qu'il faudrait qu'on se laisse parce que j'ai pas qu'on s'attache, tu sais. Parce qu'à un moment donné, tu commences à te parler, venez, tu t'attaches, ça n'est plus dur de se laisser, puis... Ok, hey, bye! Il était temps que je raccroche, mais tu as su le bord m'attacher, moi, là. La véranda de Lida. Ouais, les chaises de patio, tu sais. J'ai des ensembles de 5 chaises avec table parasol, pis y'en a un kit qui est à 119, pis y'en a un autre qui est à 179. Pis l'autre, qu'est-ce qu'il te donne, 60$ de plus? Bon, deux affaires, là. Comme sa chaise longue, là. Et, ouais. Tu sais, c'est la même chaise, mais. Mais plus cher? Non, ils ont ajouté deux petites roues en arrière. Des là. Petites roues? Ouais, ouais, c'est des petites. Écoute bien, ma petite lumière de dash de short, ouais, là. C'est pas des wheelies que je veux faire dans ma cour, là. Ouais, mais il y a aussi la chaise à s'incline, là. À cinq quoi? À s'incline. À s'incline. Ouais, à s'incline, comment? À s'incline, 8 à 0 contre Boston. Non, je veux dire, elle se lève puis elle se baisse. Le dossier se lève puis se baisse. Puis tu fais-tu du financement, toi? Ben, pour un montant comme ça, on peut pas vraiment ouvrir un dossier. OK. Fait que le dossier se lève puis se baisse, mais il s'ouvre pas, par exemple. C'est ça. OK. C'est pas assez. C'est pas assez. Non? Ah, salut. Hi, t'es un beau petit lutin, ça. Galerie Galera. Ouais, des kits de patio, tout ça, là. Complet, là, pour le jour puis le soir, là. Non, me fais pas griller le soir, c'est drôle. Ah. J'ai peur de pogner un coup de lune. Ah ouais? Je vais pogner ça, un coup de lune. Non. Hey, je te dis que ça forme le cratère. Non, je vous dis ça parce que j'ai un spécial sur toutes mes lampes, là. Ah non. Une lampe à mouche, là. Ouais, mais moi, je. La mouche s'en va là-dessus puis elle se désintègre, là. Non, ça, c'est le fun, ça. J'ai aussi des lampes à jardin. Puis là, ton jardin se garoche là-dessus puis se désintègre avec, comme quoi. Ça peut être romantique, un barbecue le soir aussi, là. Je vois pas ce qu'il y a de romantique, moi, d'aller regarder des mouches aller se désintégrer sa lampe à mouche. Je vais vous sortir les prix. Sera pas long. Non, non, les mots. Nous étions toi et moi sur le patio. J'ai tout le temps d'attendre après ce moment-là, mais mots, tu te fais. Et nous regardions les mouches se désintégrer sur la lampe à mouche. Ça va faire toujours des limites, là. Tendu univers. Je crois que personne ne te prend pour une vipère. Je crois. Dédenté ton chien. Dédenté, j'ai dédenté ton chien. Il montait sur le divan, mangeait de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie. Dédenté, dédenté ton chien. Dédenté, j'ai dédenté ton chien. Il montait sur le divan, il mangeait de la crème glacée. C'était le plus durant les vacances, je suis tombé sur une revue à 25 sous très intéressante chez Renaissance. 120 séries indispensables, la série tech idéale. En gros, c'est une revue qui revient sur les bonnes séries qu'on devrait écouter. On va faire un petit tour ensemble pour voir qu'est-ce que ça dit. Évidemment, je ne vais pas m'attarder sur les séries que je ne connais pas, mais je vais vous donner mon avis sur les séries que j'ai déjà écoutées. J'en ai vu qui ne devraient pas se trouver dans cette liste et d'autres qui méritent vraiment leur place. Et à la fin, vous allez peut-être ajouter vous-même une série à votre liste de choses à écouter. Bon, en partant, la revue propose un cahier spécial pour la série Game of Thrones. Là-dessus, je suis d'accord avec eux. C'est une très bonne série pour tous ceux qui aiment l'univers médiéval fantastique. Moi, j'ai écouté les 2-3 premières saisons et j'ai adoré. Et je me souviens pas pourquoi j'ai arrêté de l'écouter. Je pense que j'étais tanné d'attendre que ça sorte. J'ai dû me dire que je recommencerais quand tout serait fini. J'ai lu la série de livres et c'est tout aussi bon. Donc, pour ceux qui aiment ce type d'univers, à ajouter à votre liste de séries à écouter. Dans les premières pages de la revue, on nous propose d'écouter la série Columbo, une série qui a été en ondes de 1968 à 78 et de 89 à 2003. Oui, ça peut paraître vieillot comme série, mais je trouve que ça a très bien vieilli. Moi, j'en écoute encore. J'ai l'intégrale sur un disque et il semble y en avoir 74 épisodes. En gros, la série nous présente toujours un crime au début, on voit toujours qui a été tué, et ensuite Columbo, joué par Peter Falk, arrive. Il a toujours l'air d'un clodo, à la limite naïf, et il dit toujours qu'il veut pas déranger, mais il revient toujours et toujours avec ses petites questions, jusqu'à trouver et confondre le criminel qui se rend compte que son crime parfait a été déjoué. Sur l'autre page, la série The Walking Dead. Bon, quand j'ai vu que cette série était listée dans cette revue, bon, ça m'a découragé un petit peu. Moi, je suis plus sceptique par rapport à cette série-là. Je l'ai lu sous forme de BD en noir et blanc, et j'avais aimé. Mais malgré que j'étais au courant des punchs à l'avance, moi je peux vous dire que j'ai aimé les deux premières saisons. Ensuite, la troisième saison m'a achevé. J'ai arrêté là. J'ai oublié son nom, mais ils ont passé quasiment toute la troisième saison à chercher une petite fille, puis ça aboutissait pas. Pour moi, le rythme était trop lent, donc j'ai débarqué à ce moment. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté plus loin que la troisième série, si ça redevient bon, mais moi, bon, j'ai arrêté là, donc je vous conseille pas cette série-là. Une autre série qui est dans cette revue, c'est la série Alias. C'est une bonne série qui a été diffusée de 2001 à 2006. Je ne sais pas si la série a bien vieilli, mais à l'époque, j'avais bien aimé, même si parfois c'était un peu tiré par les cheveux. En gros, c'est une étudiante, Sydney Bristow, qui est recrutée par le SD6, qu'elle pense être une division secrète de la CIA chargée de missions délicates. Et c'est là que ça devient tordu d'épisode en épisode. Tout le monde est agent double, les parents morts sont vivants dans des quins et demi, une sœur inconnue apparaît. C'est une bonne série d'espionnage, mais bien tordue avec plein de rebondissements. Mais à mon avis, si vous cherchez de quoi d'un petit peu meilleur, je vous dirais de vous lancer plutôt dans la série Fringe. C'est aussi un peu espionnage, mais qui tend plus du côté X-Files, car il y a toujours des expériences scientifiques qui ont mal tourné dans cette série, où on finit par découvrir un monde parallèle où nos héros vont pouvoir se déplacer avec toutes les conséquences néfastes que cela va apporter. Je vous en dis pas plus, moi j'ai adoré cette série qui s'améliore au fil des saisons. Donc c'est la série Fringe. Une autre série, Battlestar Galactica, une série de 2004 à 2009, une série de science-fiction aimée par ceux qui n'aiment pas la science-fiction. C'est ce que dit l'article et je seconde. Juste de repenser à cette série que j'avais oubliée vient de me donner le goût de la télécharger. Dans quelques minutes, le pilote va être téléchargé et je vais pouvoir la recommencer. Moi, je me souviens d'avoir écouté le téléfilm de 1978 à la télé quand j'étais jeune. Et longtemps, j'ai cru que ce souvenir que j'avais dans la tête était le souvenir d'avoir écouté Star Wars. Mais comme ce qui se passait dans mon souvenir ne fonctionnait pas avec les premiers Star Wars, je comprenais pas trop. C'est seulement quand j'ai rejeté un coup d'œil à ce film de 1978 que je me suis rendu compte que j'avais mal classé ce souvenir dans ma tête. En revoyant les images, je me suis dit que c'était plutôt Battlestar Galactica que j'avais écouté, et pas Star Wars. Donc, pour cette série, elle est captivante dès le début. Ça commence sur les préparations d'une cérémonie de mise au rencard du vieux vaisseau de guerre Galactica, un vaisseau qui avait servi à la guerre contre les Cylons il y a 20 ans. Et dans ce vaisseau, tout est vieillot. Je parle des technologies. Aucun ordinateur en réseau, car les Cylons avaient cette force d'infecter ou de contrôler les ordinateurs. Et voilà que sur Caprica, une colonie d'humains, des Cylons ont accédé à l'ordinateur central de la défense et déclenchent une attaque contre les humains. Comme ils ont réécrit tout le code des ordinateurs de la défense, c'est l'hécatombe chez les humains. Dès les premières heures de l'attaque, toute l'armada de défense est détruite, les colonies sont explosées aux bombes nucléaires, il ne reste que quelques vaisseaux éparpillés dans l'espace, dont le Galactica, qui lui, lorsqu'il se fait attaquer, vu qu'il n'y a pas d'ordinateur en réseau, il ne se fait pas contaminer par les Cylons. En plus, le Galactica, comme il s'en allait à la retraite, n'a aucune arme pour se défendre. Mais je ne vous en dis pas plus, c'est ça le début de la série. Donc, dans cette série, il y a des combats, de l'action, toutes sortes de problèmes que la présidente des derniers humains va essayer de régler ou de contenir, des Cylons qui sont des androïdes et bien sûr le capitaine Adama, le commandant du Galactica. Je ne peux que vous conseiller cette série qui est parfois sombre mais qui fait briller ses acteurs. Maintenant, une autre série, la série Deadwood. L'article dans la revue dit « L'Ouest sans filtre ». Effectivement, c'est pas mal ça. Deadwood, c'est une petite ville où se ramassent les chercheurs d'or pouilleux. Une ville boueuse qui tourne autour de son saloon et où les choses se font et s'apprennent à la dure. C'est une série quand même assez rough. Je me souviens d'une scène où deux orphelins volent de quoi au gars du saloon et pour se venger, le tenancier donne une leçon aux deux enfants. Il donne une leçon de façon assez crue qui se termine par la mort du petit garçon et de l'enrôlement de la petite fille comme fille de joie au saloon pour payer la dette. Donc, vous voyez le genre de choses que vous allez voir dans cette série. J'ai quand même aimé l'écouter, mais c'est trop cru pour faire écouter à des enfants, donc soyez-en avertis. Bon, c'est assez fou Internet, c'est assez rapide maintenant. Juste le temps d'écrire le dernier paragraphe et le pilote de Battlestar Galactica, dont j'avais lancé le téléchargement, est déjà arrivé. Un petit 3 heures à écouter pour avant de débuter les épisodes. Donc, juste un petit retour sur Battlestar Galactica. Pour ceux qui voudront l'écouter, voici l'ordre dans lequel il faudrait l'écouter. En premier, le téléfilm ou le pilote, qui dure 2h55. Ensuite, c'est la saison 1 de 13 épisodes. La saison 2 de 20 épisodes. Ensuite, il y a eu des web épisodes qui s'appellent The Resistance, qui sont facultatifs. Ensuite, la saison 3 de 20 épisodes, suivi du téléfilm Flashback Razor, qui lui n'est pas indispensable à écouter, mais qui est plus intéressant que les web épisodes. Ensuite, la première moitié de la saison 4, les épisodes de 1 à 10, suivi des web épisodes de Face of the Enemy, qui sont facultatifs encore une fois, et la fin de la saison 4, les épisodes 11 à 20. Puis tout ça est suivi d'un autre téléfilm qui s'appelle The Plan, qui reprend la série depuis le départ, mais du point de vue des Cylons. Voilà, petite pause musicale, et au retour, on continue à tourner les pages de cette revue des 120 séries indispensables. Et à mes yeux, he continues to be je recommence, je m'excuse, je suis très fatiguée ce matin. I don't want to really change le Parti québécois. retour pour la suite de notre analyse de la revue qui présente les 120 séries indispensables. On peut trouver dans cette revue une des séries que j'ai écoutées qui s'appelle Dexter, qui est une série policière. Le synopsis de cette série est le suivant. Victime d'un traumatisme dans son enfance, Dexter Morgan est adopté par un officier de la police de Miami, Harry Morgan. Devenu adulte, Dexter est présenté comme un tueur en série. Pour masquer ses activités de tueur, Dexter travaille pour la police de Miami au département de la criminelle. Il est expert en médecine légale. Dexter se dit incapable de ressentir la moindre émotion, sinon lorsqu'il satisfait ses pulsions meurtrières. Harry, son père adoptif, lui a appris à canaliser ses pulsions meurtrières et de fait, Dexter ne tue que les criminels qui sont parvenus à échapper au système judiciaire. Voilà, c'est une série que moi j'ai trouvée quand même assez divertissante et qui vaut la peine d'être écoutée. Maintenant, une série dont vous reconnaîtrez sûrement la musique d'introduction. La série X-Files, une série qui a été diffusée de 1993 à 2002. Moi, c'est une série que j'ai bien aimée. Ça met en scène les agents spéciaux du FBI Mulder et Scully, qui sont des enquêteurs travaillant sur des dossiers non classés, les X-Files, des affaires non résolues impliquant des phénomènes paranormaux. Mulder, lui, croit en l'existence des extraterrestres et au paranormal, tandis que Scully, lui, oppose son scepticisme. Au cours des enquêtes, ils seront confrontés à des monstres, des événements surnaturels, des conspirations et des phénomènes ayant un lien avec les extraterrestres, présentés comme étant à l'origine de l'enlèvement de la sœur de Mulder, Samantha. Au début de la série, les deux agents deviennent des pions dans un conflit plus vaste et sont amenés à ne faire confiance qu'à eux-mêmes. Ils développent une relation étroite qui débute par une amitié platonique, puis évolue au fil des saisons, tout cela sous l'œil constamment menaçant de l'inquiétant homme à la cigarette. Voilà pour le synopsis de la série, une bonne série que j'ai aimée. Et maintenant, dans ce que j'ai moins aimé, il y a la série Lost, que j'ai écouté au début, mais que j'ai jamais terminé. En gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'un avion s'écrase sur une île mystérieuse et les survivants tentent de survivre, mais évidemment, ça tourne mal, l'île ayant abrité un laboratoire de scientifiques qui ont mené diverses expériences, qui font qu'on finit par voir des ours polaires dans la jungle, de la fumée noire fatigante et autre chose dans le style. Bon, je pense que beaucoup de gens ont aimé et j'ai moi aussi été captivé au début par cette série, mais c'est la fin qui a trop tiré en longueur à mon goût, donc je la mets dans la poubelle des séries avec Sherlock, une série dont je n'ai pas dépassé les premiers épisodes. Peut-être que c'est bon par la suite, mais de suivre un Sherlock Holmes contemporain ne m'a pas plu, mais c'est sûr que moi je suis fan des livres de Conan Doyle, donc j'ai juste pas apprécié cette adaptation, mais la revue la recommande quand même. Voilà, tout ça n'est de toute façon qu'une question de goût. Je vous ai donné mon avis sur les séries que moi j'appréciais et je termine avec deux séries que j'ai gardées pour la fin. La série Dr. House, une série qui nous montre un docteur et son équipe qui doit résoudre les cas médicaux que personne n'arrive à résoudre. C'est très bon comme série, malgré qu'ils ont peut-être étiré un peu la sauce vers la fin de la 8e saison. Cette saison aurait été suffisante pour conclure, mais vous allez aimer, c'est sûr, si vous vous lancez là-dedans. Et pour terminer, une série de séries interminables, une série bonbon, où c'est pas nécessairement toujours bon, mais toujours divertissant. Bon, je vous donne même pas le nom de la série, mais je vous laisse deviner par vous-même. Cette série se décline en plusieurs séries avec des films, certaines meilleures que d'autres. Mais pour moi, ça a toujours été un plaisir d'en regarder les épisodes, que je n'ai pas tout vu, il y en a trop. Mais bon, pour les amateurs de science-fiction, vous allez sûrement reconnaître cette introduction légendaire. Sur ce, bonne fin de Lobster et longue vie et prospérité. L'espace, l'ultime frontière. Voici le vaisseau galactique Enterprise. Sa mission, explorer des mondes nouveaux et étranges. découvrir de nouvelles formes de vie et de nouvelles civilisations, et s'aventurer dans les recoins les plus éloignés de la galaxie. Dans un méchant trou, j'ai pas de demandé, j'étais où? Comme Colomb et ses Amériques, je suis tombé sur un peuple authentique. C'est une salopette et une bouche à la joue. Y'a un mystère à la Scooby-Doo. La Scooby-Doo. J'ai pas à me forcer pour le démasquer. C'est clair qu'ils ont été échappés. Que quand je le regarde, mes yeux s'aiment. Ah, as-tu le bon pisser que j'ai acheté dans les livres 2 du Galliette d'ailleurs? Est-ce que de pied si tu peux? Parce que là, je vois juste ta face. Pis tes yeux croches qui m'agacent. J'en voudrais pas ton pisser, même si tu t'avais un cadeau. Vous êtes là? Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Ça fait une plombe que je vous cherche dans toute la cabane. Il y a une souris dans la cuisine. Je me coucherai pas avant de l'avoir pulvérisée. Fermez-la! Mais comment fermez-la? Une heure que je crapahute des geôles aux tourelles et il faudrait que je la ferme? Venez vous mettre là et bougez plus! Mais vous allez me dire ce qui se passe, oui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de souris? Mais venez! Oh non, mais il y a des fois, hein, vous admettrez que vous êtes hors norme. Hein. Je peux pas blairer les souris. Ouais. Celle-là, j'irai pas me coucher avant de l'avoir bousillée. Vous y avec le maillet, là? Oui, et alors? Non, mais bien sûr. Donc vous, vous dégommez les souris au maillet. J'ai pris le maillet parce que j'avais le maillet sous la main, peu importe. Non, mais après, ce qui compte, hein, c'est le résultat. Hein, au maillet, au tir à l'arc. Vous avez essayé la catapulte, hein? Bon, où est-ce que vous voulez en venir, exactement? Mais le temps que vous le leviez en l'air, votre maillet, la souris, le radecté, la bouffe, les meubles et nos chemises de nuit avec. Ah non, mais je compte pas la choper en pleine course. Je vais la distraire avec du fromage. Non, mais vous pouvez la distraire avec un numéro de jonglage, je ne m'attroucherai pas avec ça. Bon, allez, dispersez, là, au lieu de commenter. Bon, alors, on va peut-être aller se coucher, non? Mais taisez-vous 5 minutes, vous l'empêchez de sortir de son trou. Oh, et puis vous avez balancé du fromage dans toute la pièce, c'est quand même dégueu. Il faut ce qu'il faut, les souris, ça aime le fromage. Bah, celle-là, pas tellement. Vous avez dû émietter l'équivalent d'une demi-tonne de montagne, elle n'a pas senti son pif. Quoi, chut. Chut, fermez-la. Oh, non, mais c'est agréable, je vous assure. Mais vous allez la boucler, nom d'un chien. Il me semble que j'entends quelque chose. Vous entendez que dalle et je vous annonce que j'en ai ras la mèche. Je vais me coucher. Mettez l'arme veilleuse ou je vous fiche un coup de maillet. Non mais... Oui, vous avez raison. Ah, ça gratouille, je suis pas folle. Ça se rapproche. Enfin, faut vraiment tendre l'oreille. Hein. Y a quelqu'un? Oh non, mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que vous foutez là, imbécile? J'ai senti une odeur de fromage. Mais c'est pas possible d'entendre ça! Bon ben vous rentrez ou vous sortez, vous restez pas à la porte plantée comme une lampe! Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier par terre? Non, mais vous occupez pas, c'est rien, c'est du fromage. C'est rien, c'est du fromage? Vous vous foutez de moi? Du brebis premier choix affiné à l'ancienne? À quelque chose comme ça, il y a 2 ans dessus! Venez vous mettre là et faites pas chier! Non mais je suis désolé, il y a un minimum de respect. Là, à mon avis, elle s'est tirée depuis longtemps. Elle est là! Elle se tape de la bouffe dans un placard, je vous parie. Si elle bouffe dans un placard, on a quand même un peu l'air con avec notre fromage. Il est trop salé pour les souris, le frogum. Déjà, moi, j'aime bien salé et je le trouve raide. Ça y est, je l'entends. Fermez-la. Vous êtes sûre? Certaine. Ça se rapproche en plus. Me dites pas que vous entendez pas. Si, mâché, mais c'est moi, ça. Qui c'est qui est là? Tiens! Mais c'est pas vrai! Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Vous avez senti le fromage, vous aussi? Non, j'ai envie de pisser. Vous pissez dans la cuisine, maintenant, vous. Après, j'ai entendu des voix. Mais on s'en fout! Restez pas planté là comme un cep, pointez-vous! C'est marrant, les petits bouts de fromage par terre. C'est ça que vous appelez une fondue? Tant que la souris sort pas, on va pas se coucher, c'est ça? Et tant que vous parlez, la souris sort pas. C'est vous dire si on est rendu. Ça y est! Loupé. Pas passé loin. Time to mess around. So if you want it, got to.